avions de papier. Sur mon journal, tu fais la cover des fleurs du mal, étouffe mon cœur. J'écris ton nom sur les nuits de janvier. Oh, j'ai le blues de toi, de tes silences tendus, de ta voix. Oui, j'ai le blues de toi, sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton affaire. Ça me rend fou, je crois, le plus de toi. Nos souvenirs explosent ma tête. Notre avenir est un vieux gadget. Une aventure que tu as oubliée. Oui, j'ai le blues de toi, sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Le blues de toi. Tu as brûlé mes avions de peur.